Un jour peut-être on aura ce qu'on mérite. On aura de quoi faire construire une villa sur une île. La vie de rêve, on en est tous tellement loin. Tout ce qu'on voudrait nous faire croire, la vérité coûte combien. Sans réponse, tord le cou aux préjugés. Compose mes textes en décadence, y'a que Dieu qui peut me juger. C'est ça l'urgence, à force à nous étrangle. Il faudrait qu'on envisage tout ça sous un autre angle. Souvent nos rêves se confrontent à nos addictions. Un jour peut-être on en aura la conviction. Efficace si le titre te met en condition. Nous à chaque phase on se remet en question. C'est quoi la vie? Rien de simple mon ami. Demande-toi c'est quoi la mort? Si tu veux mon avis, on est seul sur le navire. Souvent à la dérive, certains ont du mal à le vivre. Moi je l'écris sur les lignes. On pressent qu'un jour peut-être on aura la vie de rêve. C'est marche ou crève. C'est marche ou crève. On pressent qu'un jour peut-être on aura la vie de rêve. C'est marche ou crève. C'est marche ou crève. Dans ma tête c'est le bordel. Ça kick des instruments mortels. Un jour peut-être on fera les une et les top 10. Ambiance cocktail, on compte plus les euros. Investi en CFA pour voir la daronne heureuse. Mon avenir se joue en bourse, il est coté. C'est le Medef qui décide, ça sert à rien d'aller voter. Sois pas choqué, c'est la guerre. On a le cœur en treillis. La chance nous a quittés, l'espoir nous a trahis. C'est tragique, Barak et Rose et le Max seraient des héros. Non, 2009 rien n'a changé, zéro. Le rap est toujours une musique marginalisée. Un jour peut-être, 3-4 on va paradoxe à l'Elysée, ouais. Le rap ça paye pas, moi ça m'enrichit. Les amis se font rares, on a 30 millions d'ennemis. Un jour peut-être aura les grosses villas qu'on mérite. Mais ça se fera avec un rap sans ses véridiques. On pressent qu'un jour peut-être on aura la vie de rêve. C'est marche ou crève. C'est marche ou crève. On pressent qu'un jour peut-être on aura la vie de rêve. C'est marche ou crève. C'est marche ou crève. La vie c'est long, on m'a dit demain c'est loin. J'avance dans long itinéraire sur des chemins sans nom. En attendant que ça change, on verra bien. On saura si tourne la chance ou si on devient dingue. Le vécu perturbe l'esprit. Un jour peut-être ça s'arrêtera. En attendant je fais des récits moi. Passe-moi le beat, je le fume d'entrée, principe en tête. Je prépare l'avenir dans les projets pour pas qu'ils me prennent en traître. Les expériences rendent plus fort mes fatigues. Le bis facile, fascine, mais lui te zappe vite. D'alcool on s'impipe, chitane en nous s'infiltre. Nous raconte des tours rêves, les lèvres au bout d'un filtre. Écoute, un jour peut-être tu comprendras. Que s'il faut que ça change, c'est qu'en bas là ça sent le drame. Un jour peut-être, nous tous on comprendra. Et on trouvera la méthode pour toucher notre pourcentage. On pressent qu'un jour peut-être